Expliquer ses motivations. Exercice 2. Je voudrais un visa de travail car une entreprise française m'a proposé un poste très intéressant avec un bon salaire. C'est à Aix-en-Provence. Quand j'étais étudiant, il y avait des échanges entre mon université et celle d'Aix-en-Provence. J'ai gardé quelques amis là-bas. C'est pourquoi j'ai très envie d'y retourner. Je voudrais aussi découvrir le reste de la France. Faire un peu de tourisme pendant les week-ends et les vacances. En plus, ma femme adore la France. Et j'aimerais que mes enfants connaissent ce pays.